Chapitre 6e, Mrs. Proudie remporte une victoire. Pendant la semaine suivante, la tranquillité extérieure fut grande dans Barchester, mais le cœur de quelques habitants ne fut pas si tranquille que les rues de la cité. Le pauvre vieux doyen continua de vivre ainsi que l'avait prédit Sir Omicrine, au grand étonnement, et au dire de quelques-uns, au grand dépit du docteur Philgrave. L'évêque était toujours absent. Il avait passé un jour ou deux à Londres et avait fait chez l'archevêque un séjour plus long qu'il ne l'avait projeté. M. Slope n'avait encore reçu aucune réponse à ces deux lettres, mais il savait la cause de ce retard. Sir Nicholas chassait le daim dans les Highlands, et M. Towers lui-même, le bourreau de travail, avait dérobé quelques jours à ses occupations pour aller faire l'ascension du Mont-Blanc. M. Slope apprit qu'il ne serait pas de retour avant la fin de septembre. Mrs. Bold était souvent avec les Stanhope, qui lui plaisaient de plus en plus. Elle lui dit à qui le lui demandait que Charlotte Stanhope était sa meilleure amie, et c'eût été l'expression vraie de sa pensée. Mais, pour être sincère, elle aimait Bertie à peu près autant que sa sœur. Elle ne pensait pas plus à le considérer comme un prétendant qu'elle n'eût regardé comme tel le premier bon gros chien qui lui eût fait des caresses. Bertie était devenu intime avec elle. Il lui tenait de petits discours, il lui disait de petites choses un peu plus risquées que ce que lui disaient les autres hommes, mais il le faisait toujours devant ses sœurs, et avec sa longue barbe soyeuse, ses yeux bleu clair et sa façon étrange de s'habiller, il ressemblait si peu aux autres hommes. Elle l'admettait à une sorte de familiarité qu'elle n'avait jamais connue avec un autre homme, et dans laquelle elle ne voyait aucun danger. Elle rougit une fois en s'apercevant qu'elle l'avait appelé Bertie, et le même jour, elle s'arrêta à temps pour s'abstenir de lui faire une malice à laquelle l'avait poussée Charlotte. En tout cela, Eleanor était parfaitement innocente, et l'on ne pouvait dire que Bertie Stanhope fût coupable. Mais toutes les familiarités auxquelles il se laissait aller avaient été préparées et amenées de propos délibérés par Charlotte. Celle-ci savait quel jeu elle avait à jouer, et elle le jouait sans scrupule. Elle connaissait mieux que personne le caractère de son frère, et pourtant elle lui aurait mis sans remords dans les bras la jeune veuve avec sa fortune et celle de son enfant. Elle cachait sous une prétendue amitié, sous une cordialité empressée, les efforts qu'elle faisait pour créer entre son frère et Eleanor une situation qui rendit un mariage nécessaire. Mais Charlotte Stanhope ne connaissait pas le caractère d'Eleanor et ne se figurait pas qu'il pût en exister de semblable. Elle ne comprenait pas qu'une jeune et jolie femme pût plaisanter familièrement avec un homme comme Bertie sans avoir une idée en tête ou un sentiment au cœur qu'elle dut rougir d'avouer devant tout le monde. Charlotte Stanhope n'imaginait pas que sa nouvelle amie était une femme que rien ne pouvait faire tomber dans le piège d'un mariage inconsidéré et qui aurait répugné à la plus légère inconvenance si elle avait eu conscience de cette inconvenance. Miss Stanhope, cependant, agit avec assez de tact pour ne pas cesser de se rendre elle-même et de rendre la maison de son père agréable à Mrs. Bold. Il y avait chez eux une absence de raideur et de formalisme qui était particulièrement agréable à Eleanor, après la forte dose d'arrogance cléricale qu'elle venait d'avaler à Plumstead. Elle jouait aux échecs, se promenait, prenait le thé avec eux, étudiait ou prétendait étudier l'astronomie, les aidait à faire des récits en vers, à tourner de la prose tragique en vers comique, ou des histoires comiques en vers tragiques. Elle n'avait jamais conçu auparavant l'idée de semblables exercices. Elle trouva chez eux des amusements, des occupations, qui en eux-mêmes ne pouvaient rien avoir de mauvais et qui lui plaisaient infiniment. Pendant tout ce temps, Eleanor n'oubliait pas M. Rabin. Elle n'oubliait pas non plus M. Slope. Elle avait été irritée en quittant M. Rabin. Elle l'était encore quand elle pensait à ce qu'elle considérait comme une ingérence indiscrète. Mais elle comptait le revoir et le pardonner. Les paroles de M. Rabin résonnaient encore à son oreille. Elle savait que s'ils n'étaient pas une déclaration formelle d'amour, elles étaient inspirées par l'amour et elle sentait que s'il devait jamais lui faire une semblable déclaration, elle la recevrait peut-être fort mal. Sa colère s'était si peu apaisée qu'elle se surprenait encore à se mordre les lèvres et à frapper du pied quand elle pensait à ce qu'il avait fait et dit. Néanmoins, elle désirait lui faire savoir qu'il était pardonné. Tout ce qu'elle voulait de lui, c'était un aveu de sa faute. Elle devait le rencontrer à Yolathorne le dernier jour du mois. Miss Thorne avait invité tout le pays à un déjeuner sur la pelouse. Il y aurait des tentes, un tir à l'arc, des danses sur la pelouse pour les dames et dans le parc pour les jeunes garçons et les jeunes filles du village. Il devait y avoir des joueurs de flûte et de fifre, des courses pour les garçons, des mats de cocagne, des fossés pleins d'eau à franchir. Tous les jeux, enfin, que ces lectures avaient fait connaître à Miss Thorne comme étant usités au bon temps de la reine Élisabeth. Ceux qui étaient d'invention plus récente étaient proscrits autant que possible. Elle était bien résolue à installer des quintaines, et en conséquence, elle avait fait préparer des mâts, des tourniquets et des sacs de farine. Un tournoi ou quelque chose d'approchant n'eût pas été pour lui déplaire, mais comme elle le disait à son frère, l'époque actuelle était décidément trop inférieure au siècle passé pour que l'on pût songer sérieusement à renouveler ce noble plaisir. M. Thorne ne semblait pas partager vivement ses regrets. Il sentait peut-être que le port d'une armure complète n'eût rien ajouté à ses aises et à ses charmes. Cette fête avait dû être donnée d'abord en l'honneur de l'arrivée de M. Arabin dans sa paroisse. D'autres réjouissances, préparées à l'occasion de la moisson pour les laboureurs et leurs femmes, y avaient été jointes par la suite. Toute la société réunie à Plumstead avait été invitée, et Lanor, au reçu de l'invitation, avait promis à sa sœur de l'accompagner. Mais depuis, les plans avaient été changés. Elle devait accompagner les Stanhope. Les Proudie devaient venir, et comme M. Slope n'avait pas été compris dans l'invitation adressée au palais, la signora, que le souci des convenances n'arrêtait jamais, avait demandé à Miss Thorne de l'amener avec elle. Cette permission, Miss Thorne la donna. Elle ne pouvait faire autrement, mais elle la donna en tremblant que M. Arabin n'en fût blessé. Dès son retour, elle s'excusa auprès de lui, presque en pleurant, tant elle croyait acharnée l'inimitié qui séparait ces deux ecclésiastiques. Mais M. Arabin la rassura en lui affirmant qu'il verrait M. Slope avec grand plaisir, et lui fit promettre qu'elle les présenterait l'un à l'autre. Mais ce triomphe de M. Slope n'était pas aussi agréable à Eleanor, qui depuis son retour à Barchester avait fait son possible pour l'éviter. Elle ne voulait pas paraître céder aux injonctions des habitants de Plumstead, qui l'avaient si méchamment accusé d'avoir de l'amour pour cet odieux personnage. Néanmoins, se sachant l'objet de cette accusation, elle comprenait qu'il était sage à elle de se tenir à l'écart et de cesser peu à peu ses relations avec lui. Elle l'avait très peu vu depuis son retour. Sa domestique avait reçu pour instruction de dire à tous les visiteurs qu'elle était sortie. Ne voulant pas nommer M. Slope, elle avait pris à l'égard de tous ses amis une mesure générale, dont elle avait excepté Charlotte Stanhope et peu à peu quelques autres personnes. Une fois, elle l'avait rencontrée chez les Stanhope, mais en règle générale, c'était le matin que venait M. Slope. Elle y allait le soir. Dans cette circonstance, Charlotte s'était arrangée de façon à lui éviter tout embarras. C'était de sa part, pensait Eleanor, une marque de bonté et aussi de clairvoyance, car elle n'avait pas confié à son amie les raisons qui lui faisaient éviter M. Slope. Mais dans le fait, Charlotte avait appris de sa sœur que M. Slope se poserait probablement en candidat à la main de la veuve, et elle comprenait du reste la nécessité de protéger contre lui la future femme de Bertie. Les Stanhope étaient pourtant dans l'obligation de mener M. Slope avec eux à Ullathorne. On fit un arrangement qui fut fort désagréable à Eleanor. Le docteur Stanhope devait prendre avec lui Mrs. Bold, Charlotte et M. Slope. Bertie devait les suivre avec sa sœur Madeline. Eleanor montra clairement, par l'expression de son visage, combien la combinaison lui déplaisait, et Charlotte, que la contrariété d'Eleanor ne faisait qu'affermir dans ses plans, se justifia de son mieux. « Je vois, ma chérie, que vous n'êtes pas contente, » dit-elle. « Mais nous n'avons pu nous arranger autrement. Bertie donnerait ses yeux pour aller avec vous, mais Madeline ne peut se passer de lui. Nous ne pourrions non plus mettre M. Slope et Madeline seuls dans la même voiture. Ils seraient perdus de réputation. Et les portes de Ullathorne leur seraient fermées après une semblable inconvenance. » « En effet, ce n'est pas à faire, » dit Eleanor. « Mais ne pourrais-je aller dans la même voiture que votre frère et la signora ?»« Impossible, » dit Charlotte. « Avec elle, il n'y a place que pour une personne. » Dans le fait, la signora n'aimait pas que des étrangers fussent témoins des dispositions qu'il lui fallait prendre pour voyager. « Eh bien, » dit Eleanor, « vous êtes aussi bon pour moi que vous ne m'en voudrez pas si je n'y vais pas du tout. »« Ne pas y aller, ce serait insensé. Il faut que vous y alliez. » Il avait été décidé en conseil de famille que ce serait à Eula Thorne que Bertie ferait sa proposition de mariage. « Ou bien je puis louer une voiture ?» dit Eleanor. « Vous savez que ma situation me rend plus indépendante que vous autres jeunes filles. J'irai seule. »« C'est de l'enfantillage, ma chère. N'y pensez pas. Après tout, ce n'est qu'une affaire d'une heure ou deux. Et à vous dire la vérité, je ne sais pas ce qui vous déplaît tant dans nos arrangements. Je vous croyais en très bons termes avec M. Slope. Qu'est-ce qui vous déplaît alors ?»« Rien en particulier. Seulement, je croyais que ce serait une partie faite en famille. » « Sans doute, ce serait bien plus gentil si Bertie était avec nous. Je vous assure que M. Slope lui fait bien plus peur qu'à vous. Mais vous comprenez que Madeleine ne peut se passer de lui, et elle, la pauvre créature, sort si rarement. Je suis certaine que vous ne lui en voudrez pas si ses fantaisies enlèvent un peu d'agrément à notre réunion. » Naturellement, Eleanor fit mille protestations et exprima à plusieurs reprises l'espoir que Madeleine aurait beaucoup de plaisir. Naturellement aussi, elle céda, et accepta d'aller dans la même voiture que M. Slope. Il lui fallut autrement qu'elle expliquât son refus, ce qui l'eût amené à parler, et elle ne le voulait pas, de ce qui s'était passé à Plumstead. Mais ce fut pour elle une nécessité pénible. Elle imagina mille moyens de l'éviter. Elle se dirait malade et n'irait pas du tout. Elle persuaderait à Mary Bowles de l'accompagner, quoique non invitée, et elle serait bien forcée alors de prendre une voiture pour elle et sa belle-sœur. Bref, elle était disposée à tout faire, plutôt que d'être vue par M. Arabin descendant de la même voiture que M. Slope. Malgré tout, quand le moment terrible fut venu, elle n'avait aucun plan arrêté. M. Slope lui offrit la main pour monter dans la voiture du docteur Stanhope, où il s'assit en face d'elle. L'évêque revint la veille de la fête de Eula Thorne et fut reçu chez lui avec des sourires radieux par la compagne de ses joies et de ses soucis. À son arrivée, il se glissa dans sa chambre avec des battements de cœur. Il avait dépassé de 3 jours le temps convenu pour son absence et craignait d'en être puni. Mais non, il reçut un accueil d'une cordialité tendre et empressée. Ses filles vinrent lui donner les plus affectueux baisers. Mrs. Proudie le serra dans ses bras et l'évêque crut s'entendre appeler « Mon cher, mon chéri, mon bon petit évêque ». C'était une bien agréable surprise. Mrs. Proudie avait modifié sa tactique. Non qu'elle eût quelque raison de désapprouver sa conduite antérieure, mais elle avait assuré sa position pour pouvoir agir sans danger par la douceur. Elle avait pris le dessus sur M. Slope et jugeait bon de montrer à l'évêque que, devenue maîtresse et de lui et de tous, elle était disposée à le récompenser de sa soumission. M. Slope était impuissant contre elle. Non seulement elle étourdissait le pauvre évêque par ses emportements de la nuit, mais aussi, si elle croyait plus utile d'employer la politique contraire, elle l'accablait, le jour, de procédés gracieux, présidait à l'arrangement de son cabinet, lui préparait les toilettes les plus coquettes, lui donnait de bons dîners, des feux bien flambants, tout le confortable de la vie. Cette existence heureuse, c'était la sienne, s'il voulait montrer une obéissance tranquille. Sinon, à dire vrai, ses souffrances, pendant cette nuit affreuse, avaient été si poignantes qu'elles avaient détruit en lui toute force de résistance. Aussitôt qu'il se fut habillé, Mrs. Proudie revint dans sa chambre. « J'espère que vous avez fait un séjour agréable à X, » dit-elle, s'asseyant d'un côté du feu, tandis qu'il était de l'autre côté, assis dans son fauteuil, se frottant les mollets. C'était la première fois depuis la fin de l'été qu'il avait eu du feu dans sa chambre, et il en jouissait. Car le bon évêque aimait à sentir la chaleur d'un bon feu, mollement étendu dans un fauteuil confortable. « Oui, » dit-il, « il avait eu beaucoup de plaisir. L'archevêque avait été d'une politesse parfaite, Mrs. l'archevêque avait été charmante. » Mrs. Proudie fut ravie de l'apprendre, et après avoir suffisamment câliné son petit homme, elle arriva aux affaires. « Le pauvre doyen vit encore, » dit-elle. « C'est ce que j'ai appris, » dit l'évêque. « J'irai chez lui demain, aussitôt après le déjeuner. » « Nous allons demain à cette fête, à Eula Thorne. Il faudra y arriver tôt, vers midi, je suppose. »« Oh, ah !» dit l'évêque. « J'irai certainement après-demain. » « En a-t-on beaucoup parlé à X ?» demanda Mrs. Proudie. « De quoi ?»« De la succession du doyen, » dit Mrs. Proudie. Et une étincelle de son feu accoutumé fit briller ses yeux. L'évêque se sentit un peu moins à l'aise. « De la succession du doyen ? Bien peu, ma chère. » « On n'en a dit qu'un mot. »« Et vous, évêque, qu'avez-vous dit sur ce sujet ? » Moi, j'ai dit que je pensais que si... C'est-à-dire que si le doyen mourrait, j'ai dit que je pensais... Et tandis qu'il allait toujours bredouillant et hésitant, il vit les yeux de sa femme fixés sur lui. Mais aussi, pourquoi allait-il s'exposer à des désagréments pour un homme qu'il aimait si peu que M. Slope? Pourquoi renoncer à ses aises, à une vie heureuse et tranquille, pour aller livrer en faveur de son chapelain une bataille qu'il risquait fort de perdre? Après tout, le chapelain, s'il devenait doyen, serait un tyran aussi insupportable que sa femme. Pourquoi combattre? Pourquoi se rendre malheureux? Dès ce moment, il fut décidé à jeter M. Slope par-dessus le bord et à jouir de la bonne vie qu'il semblait qu'on fût disposé à lui faire. On m'a dit que M. Slope prétendait à la succession du doyen, dit Mrs. Proudie en insistant sur chacune de ses paroles. Oui, je le crois. Et que dit de cela l'archevêque? À vrai dire, ma chère, j'ai promis à M. Slope de parler à l'archevêque. Il me l'avait demandé. C'est bien de l'arrogance, je dois le dire, mais cela ne me regarde pas. De l'arrogance, dit Mrs. Proudie. C'est de l'impudence. Et l'impudence la plus éhontée que j'ai jamais vue. M. Slope, doyen de Barchester, en vérité. Et vous, évêque, qu'avez-vous fait? Eh bien, ma chère, j'ai parlé à l'archevêque. Vous ne voulez pas dire sans doute que vous laisserez compromettre votre nom dans une entreprise aussi insensée. M. Slope, doyen de Barchester, en vérité. Il secoua la tête et se croisa les bras avec un air de défi tel que l'évêque eut la conviction immédiate que M. Slope ne serait jamais doyen de Barchester. C'est en effet insensé, ma chère. Alors pourquoi lui avez-vous prêté votre appui? Oh, si peu. Mais encore, pourquoi avoir mêlé votre nom à une affaire si ridicule? Qu'avez-vous dit à l'archevêque? Eh bien, je n'ai fait que mentionner la chose. J'ai dit simplement que dans le cas de la mort du pauvre doyen, M. Slope... Eh bien, M. Slope, je ne me rappelle plus comment j'ai dit... Que M. Slope ne serait pas fâché d'avoir la place, quelque chose comme cela. Je n'en ai pas dit davantage. Il ne fallait rien dire du tout. Et l'archevêque, qu'a-t-il répondu? Rien. Il a fait un signe de tête et s'est frotté les mains. Quelqu'un est entré en ce moment. On a discuté la question du comité général des écoles paroissiales, et il n'a plus été question du nouveau doyen. Naturellement, je n'en ai plus reparlé. Reparlé? Je regrette que vous en ayez parlé une fois. Que va penser de vous l'archevêque? Croyez bien, ma chère, que l'archevêque n'a guère arrêté sa pensée là-dessus. Mais vous, comment avez-vous pu y penser? Comment avez-vous eu l'idée de faire un homme comme cela, doyen de Barchester? Doyen de Barchester? Je suppose qu'un de ces jours, ce sera un évêché qu'il lui faudra. Un homme qui sait à peine de qui il est le fils. Un homme que j'ai trouvé sans un habit sur le dos, sans un morceau de pain à se mettre sous la dent. « Doyen de Barchester, je lui en donnerai du doyen. » L'évêque crut devoir se justifier. « Mais ma chère, il m'a semblé que vous et M. Slope n'étiez plus dans d'aussi bons termes qu'auparavant. »« En bons termes !» dit Mrs. Proudie, agitant son pied sur le tapis et montrant par ses lèvres pincées que le sujet abordé était périlleux. « J'ai cru comprendre qu'il vous déplaisait. » Le pied de Mrs. Proudie prit un mouvement de plus en plus rapide. « Et que vous ne seriez pas fâché de le voir hors du palais ?» Mrs. Proudie sourit comme doit sourire la hyène avant de faire entendre son rire lugubre. J'ai donc pensé que, s'il avait cette position et cessait ainsi d'être mon chapelain, vous seriez peut-être satisfaite de cet arrangement. La hyène fit éclater son rire. Satisfaite de cet arrangement, satisfaite de voir son ennemi devenir doyen avec 1200 livres par an. Oh, sans doute, mon cher, sans doute il doit cesser d'être votre chapelain. Après ce qui s'est passé, je ne puis supporter la pensée de vivre avec un tel homme dans la même maison. D'ailleurs, il s'est montré impropre à occuper cette situation. Il suscite des inimitiés et des rivalités dans votre clergé. Il vous engage dans de mauvais pas et tranche de l'évêque. Naturellement, il doit partir. Mais pour qu'il doit sortir du palais, ce n'est pas une raison pour qu'il prenne possession de la résidence du doyen. Oh, évidemment non, ma chère. Mais pour sauver les apparences, vous savez... Je n'ai pas d'apparence à sauver. Je veux que M. Slope paraisse ce qu'il est, un homme faux, vil, un intrigant. J'ai l'œil sur lui. Il ne se doute pas de ce que je sais. Il se conduit de la manière la plus inconvenante avec cette boiteuse d'Italie. Cette famille est une honte pour Barchester, et M. Slope est une honte pour Barchester. S'il ne se réforme pas, on lui arrachera sa soutane, bien loin qu'on lui mette le chapeau de doyen sur la tête. Doyen, en vérité, cet homme pousse l'arrogance jusqu'à la folie. » L'évêque n'essaya pas de s'excuser, ni de couvrir son chapelain, et s'étant montré passif et docile, il rentra en faveur. On descendit dîner, et il passa la plus agréable soirée qu'il eut depuis longtemps dans sa propre maison. Sa fille lui joua du piano et lui chanta des mélodies tandis qu'il sirotait son café et lisait son journal. Mrs. Proudie lui fit les questions les plus aimables au sujet de l'archevêque, puis il alla se coucher tranquille et dormit tranquille. En se rasant le matin et en se préparant pour la fête de Yolathorn, il résolut de ne plus chercher à briser de lance contre un adversaire aussi peu vulnérable que Mrs. Proudie.